France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un écrivain vivant uniquement pour voir si son secret sera découvert, un secret dont il ne pourrait en aucun cas se défaire. Un trésor, un secret, le travail, tout cela, c'est la même chose, la joie de l'âme. Et face à l'écrivain, celui qui est enflammé par la recherche fiévreuse de ce secret et de la révélation. Mais il faut savoir que l'on passe toujours à côté du principal en ignorant son existence. L'image dans le tapis, première diffusion sur France Culture le 23 août 1966. Jusqu'à ce que le monde devienne un vide inhabité, il y aura une image dans le miroir. Il y a 50 ans, mourait Henry James. Ce soir, l'image dans le tapis. Adaptation de Roger Pilaudin. L'image directrice, le vrai principe de composition dans une affluence de belles choses. Je fais remonter mes débuts véritables au soir où Georges Corvic est venu hors d'haleine et en grand souci me demander de lui rendre un service. Ah, veux-tu faire à ma place un article pour le journal Le Milieu sur le dernier paru de Virker? Je dois partir pour Paris ce soir même. Gwendolen m'appelle. Sa mère, Madame Herm, a eu un accident. Le dernier roman de Hugues Virker? Oui. Oh, mais c'est la chance de ma vie que tu m'offres là, Georges. Tu sais que je lis toujours les œuvres de Virker dès que je peux mettre la main dessus. Mais j'ai une raison particulière de lire celle-ci, ou plutôt. Laquelle? Je dois samedi prochain me rendre à Bridges, chez Lady Jane. Et la carte d'invitation mentionne que M. Virker sera présent. Et tu es ému à l'idée de rencontrer un homme aussi célèbre. Eh bien, tu pourras étaler ta connaissance de son dernier livre paru. Et de mon côté, je vais faire le nécessaire pour que la revue ne soit pas mécontente. Adieu. Ah, bien entendu, tu t'en tireras bien. Enfin, tu ne feras pas l'idiot. L'idiot. Quand Virker est en cause, moi qui l'ai toujours trouvé d'une intelligence extraordinaire. Eh bien, mais justement, c'est idiot, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, une intelligence extraordinaire? Du diable, tâche d'atteindre un peu le vif de la question. Arrange-toi pour que Virker n'aille pas pâtir de notre arrangement. Parle de lui, si tu peux, comme j'en aurais parlé moi-même. Tu veux dire, comme d'un type qui s'élève bien au-dessus de toute la bande? Ou quelque chose comme ça? Oh, dis donc, ne fais pas de comparaison pareille, c'est l'enfance de l'art. Mais il me donne un plaisir si rare. Le sentiment de... Enfin... Un sentiment à part. Mais encore, le sentiment de quoi? Mon vieux, c'est justement ça qu'il faut que tu dises. Je passais en compagnie de Virker la moitié de la nuit. Corvic n'aurait pas fait mieux. Virker était d'une intelligence extraordinaire, je n'en démordis point. Mais il ne s'élevait nullement au-dessus de la bande. Non. Par contre... Je me flattais de m'être, moi, en cette occasion, élevé au-dessus de l'enfance de l'art. Mon séjour à Bridges eut pour effet d'orienter mes recherches dans le sens de la profondeur. Virker m'apparut là d'un abord si aisé, si dénué d'angle, que je rougis du manque d'imagination dont témoignaient mes mesquines précautions préliminaires. Hugues Werker me faisait une impression telle que j'aurais bien voulu qu'il lût mon article. Je tentais de parvenir à cette fin en remédiant d'un geste furtif à ce que laissait à désirer la place ingrate occupée par le milieu. Mais, jusqu'au déjeuner, force me fut de constater que j'avais manœuvré en vain. Cher monsieur Werker, avez-vous lu cet article ? Voilà enfin un critique qui saisit dans votre œuvre ce que j'y ai moi toujours senti. Regardez, là. Oui. Et là. Oui, oui, oui. Aux endroits que j'ai soulignés, comme il touche juste. Voulez-vous me le laisser ? Je le lirai lorsque je monterai m'habiller pour le dîner. Pendant le dîner, je tentais de me figurer qu'une joie de vivre plus grande éclairait le regard du maître. Mais, à mon vif désappointement, Lady Jane ne me donna pas l'occasion d'avoir une certitude. Ce fut ma voisine, Miss Polly, la sœur du pasteur, une personne robuste à l'esprit sans détour, qui eut, la brave fille, l'heureuse inspiration et le courage exceptionnel d'adresser la parole à Werker, placé en face d'elle. Eh bien, cher monsieur Werker, que pensez-vous du panégyrique prôné par Lady Jane ? Oh, c'est très bien, très bien. Toujours le même verbiage. Vous voulez dire que l'auteur ne vous rend pas justice ? C'est un charmant petit article. C'est que vous êtes si profond. Et aussi profond que l'océan. Non, je veux seulement dire que ce critique n'a pas vu. N'a pas vu quoi ? N'a rien vu du tout. Mon Dieu, mais il est tout à fait borné. Mais non. Personne ne voit jamais rien. Après le dîner, j'évitais le romancier. Il m'avait paru, je l'avoue, d'une vanité abominable. Et cette découverte me faisait de la peine. Toujours le même verbiage, ma petite étude subtile. Je pris, passablement déprimé, le parti d'aller me coucher. Cher monsieur, je suis bien content de vous rencontrer. J'ai peur de vous avoir à table blessé, tout à fait sans le vouloir, avec ma réponse à Miss Polly. Oui, j'ai appris ensuite par Lady Jane que vous étiez l'auteur de ce petit article du milieu. Monsieur, je vous assure que je n'ai rien de cassé. Vous alliez vous coucher ? Oui. Me permettez-vous de franchir votre seuil ? Je voudrais vous dire en deux mots dans quel état d'esprit il faut interpréter mon jugement sur votre article. Je vous en prie. Merci. Pardon. Je ne sais trop comment vous expliquer ça, mais c'est précisément le petit grain de sagacité qui assaisonnait votre compte-rendu. C'est votre pénétration exceptionnelle qui a réveillé chez moi un sentiment très ancien, je vous prie de le croire, sous l'influence duquel j'ai adressé à cette excellente demoiselle des paroles qui ne pouvaient que vous offenser. Je ne lis pas les articles de critique à moins que l'on ne m'en mette un sous le nez comme aujourd'hui. Et c'est toujours vos meilleurs amis qui s'en chargent. Mais enfin, il m'arrivait de les lire il y a 10 ans. Je dois dire qu'en ce temps-là, ils étaient en général plutôt plus ineptes qu'à présent. En tout cas, ils me faisaient toujours l'effet de passer à côté de ma petite trouvaille. Avec une perfection aussi admirable lorsqu'il me donnait dans le dos de petites tapes d'encouragement que lorsqu'il m'envoyait des coups de patte. Depuis toutes les fois qu'il m'est arrivé de jeter un coup d'œil à leur prose, les critiques m'ont fait l'effet de continuer leur feu roulant en pure perte. Enfin, je veux dire de passer à côté du principal en ignorant à merveille son existence. Vous êtes... Vous, mon cher, passez à côté avec une assurance inimitable. Le fait que vous faisiez preuve d'infiniment d'intelligence et de gentillesse n'y changeait rien. Ah, c'est quand j'ai affaire à des jeunes gens d'avenir que je mesure toute l'étendue de mon échec. Votre échec ? Seigneur, quelle peut bien être alors votre petite trouvaille ? Faut-il que j'en sois encore à vous le dire après tant d'années de labeur? Par une petite trouvaille, j'entends... Comment dire? Ce quelque chose de particulier. Pourquoi j'écris mes livres? Tout écrivain n'a-t-il pas un mobile de ce genre qui l'incite à donner sa mesure, à se dépasser? Et en l'absence de quoi, il n'écrirait pas du tout. La passion de sa passion, le côté de l'affaire où la flamme de l'art brille le plus haut. Eh bien, c'est ça. Votre définition est certainement très belle, mais elle ne montre pas très clairement ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire vous apparaîtrait très clairement, je vous assure, si seulement vous en voyiez poindre la moindre lueur. En tout cas, je peux parler pour mon propre compte. Il y a dans mon œuvre une idée sans laquelle je ne me serais jamais soucié le moins du monde du métier d'écrivain. Une intention précieuse entre toutes. La mettre en œuvre a été, enfin me semble-t-il, un miracle d'habileté et de persévérance. Je devrais laisser aux autres le soin de le dire, mais enfin, le fait que personne ne le dit constitue précisément le sujet de notre conversation. Il poursuit sa carrière, mon petit tour de passe-passe, à travers tous mes livres. Et le reste, en comparaison, n'est que jeu en surface. L'ordonnance de mes livres, leur style, leur contexture, en donneront peut-être un jour une image complète aux initiés. C'est donc naturellement ce que devrait chercher le critique. C'est même, à mon avis, ce que le critique devrait trouver. Vous dites que c'est un petit tour de passe-passe? Oh, seulement par modestie. Non, il s'agit en réalité d'un thème ravissant. Et vous estimez que vous avez réussi à le traiter? La façon dont je l'ai traité est la seule chose au monde qui me permette de penser un peu de bien de moi. Vous ne croyez pas que vous devriez aider un tant soit peu le critique? L'aider? Est-ce que je fais autre chose? Chaque fois que je prends la plume, je lui crie mon dessin en plein dans sa grande face d'abruti. Mais vous avez parlé d'initié, il faut donc qu'il y ait une initiation. Du diable, la critique n'est-elle pas supposée en être une? Mais pour moi, la chose est aussi palpable que le marbre de cette cheminée. Et d'ailleurs, voyons, le critique n'est pas un homme ordinaire. S'il en était un, je me demande un peu ce qu'il irait faire dans le jardin de son voisin. Vous êtes vous-même tout ce qu'on voudra accepter un homme ordinaire. Il faut que vous soyez tous autant que vous êtes des petits démons de subtilité, vous autres critiques. C'est votre seule raison d'être. Si ma grande affaire reste un secret, c'est en dépit d'elle-même. Le fait est stupéfiant. Non seulement je n'ai jamais pris la moindre précaution pour en arriver là, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un cas pareil puisse se produire. Si je l'avais prévu, je n'aurais jamais eu le cœur d'aller de l'avant. Mais la situation ne m'est apparue que petit à petit. Et entre-temps, j'avais accompli mon travail. Et maintenant, vous en êtes content? De mon travail? De votre secret? Les deux ne font qu'un. Ah. L'avoir deviné prouve que vous êtes aussi pénétrant que je le disais tout à l'heure. Mais visiblement, vous séparer de votre secret vous ferait de la peine. Mon secret est maintenant pour moi ce qu'il y a de plus amusant au monde. Je vis presque uniquement pour voir s'il sera jamais découvert. Mais je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Il ne le sera pas. Vous m'enflammez d'un zèle sans précédent. Vous me faites prendre la résolution de vaincre ou mourir. S'agit-il d'une sorte de message ésotérique? Mon cher ami, cela ne peut s'exprimer dans, dans le style de pacotille des journalistes. Je ne me servirai pas de cette expression alors dans l'article où j'annoncerai un jour ma découverte. Et pourtant, je dois avouer que j'aurais bien du mal à m'en passer. Mais en attendant, et afin seulement d'accélérer un enfantement difficile, est-ce que vous ne pourriez pas donner à un pauvre diable un semblant d'indication ? Tout l'ensemble de mes efforts lucides n'est pas autre chose. Chacune de mes pages et de mes lignes, chacun de mes mots. Ce qu'il y a à trouver est aussi concret que l'oiseau dans la cage, que l'appât de l'hameçon, que le bout de fromage dans la souricière. C'est ce qui compose chaque ligne, choisit chaque mot, met un point sur tous les i, trace toutes les virgules. Est-ce quelque chose dans le style, ou dans la pensée, un élément de la forme ou du fond ? Bonne nuit, mon petit. Ne vous tourmentez pas là-dessus. En somme, il y a un auteur que vous aimez bien. Et un peu d'intelligence pourrait tout gâter. Enfin, voyons, vous avez un cœur dans votre corps. Est-ce un élément de forme ou de sentiment ? Ce que personne n'a décelé dans mon œuvre, c'est un organe de vie. Ah, je vois. C'est une idée sur le sens de la vie. Une attitude philosophique. À moins que ce ne soit un jeu de style, en effet, de langage. Peut-être une prédilection pour la lettre P, papa, pic, pipo, quelque chose dans ce genre. Vous n'avez pas trouvé la bonne lettre. Allons, venez. Vous serait-il possible, plume en main, de mettre vous-même noir sur blanc de quoi il retourne au juste ? À l'aide d'une dénomination, d'une définition, de commentaires ? Ah, si j'étais seulement plume en main, un de vous autres. Ouais, ce serait très heureux pour vous, bien sûr. Mais pourquoi nous méprisez-vous de ne pouvoir faire, nous autres, ce que vous ne pouvez faire vous-même ? Ce que je ne peux pas faire, Seigneur. Mais ne l'ai-je pas fait en 20 volumes ? Je le fais à ma manière. Continuez à ne pas le faire à la vôtre. C'est que notre tâche est bigrement difficile. La mienne l'est aussi. Nous choisissons chacun la nôtre. Il n'y a aucune contrainte. Voyons, vous ne descendez pas fumer ? Non. Je veux réfléchir à tout ça. Alors vous m'annoncerez demain que vous m'avez percé à jour ? Mais qui sait, la nuit parfois porte conseil. Mais un mot encore. Oui. Cette extraordinaire idée d'ensemble... C'est là, je crois, le terme le plus évocateur que je puisse retenir de vos propos. Serait, en somme, une sorte de trésor caché. Oui. Donnez-lui ce nom. Ce n'est peut-être pas à moi de le faire. Allons donc, vous en êtes infiniment fier. Ma foi, je n'avais pas l'intention de vous le dire, mais c'est en effet la joie de mon âme. C'est donc si beau, si élevé, si rare. C'est ce qu'il y a de plus adorable au monde. Allons. Allons, bonsoir, mon petit, n'y pensez plus. N'y pensez plus. Sais-tu ce que j'ai fait de retour à Londres, Georges ? J'ai ramassé les œuvres complètes de Werther. Une par une, par ordre d'ancienneté et sous tous leurs angles, je les ai exposées à la lumière. Pendant tout un mois, de quoi devenir fou. Je n'ai rien pu tirer de toute cette histoire. Pour tout dire, j'ai la certitude que Werther s'est moqué de moi. Le trésor caché n'est qu'une mauvaise plaisanterie. La fameuse idée d'ensemble n'est qu'affectation, pose d'homme de lettres. Pourtant... Ce que Werther t'a raconté cadre si bien avec mon sentiment. Depuis le début, je suis persuadé qu'il y a plus dans l'œuvre de Werther qu'il ne s'y laisse lire. Mon cher, l'imprimerie a été inventée pour qu'un livre se laisse lire. Allons, ne sois pas dépité par ton échec. Ce que Werther t'a indiqué, c'est justement ce que j'aurais voulu te voir traiter dans ton article. Avec les éléments que je t'apporte, tu vas pouvoir traiter le sujet toi-même, Georges. Oh, je n'en suis pas encore là. Il me faut d'abord étudier plus avant la question. Mais ce qui est certain, c'est que si j'avais fait le compte-rendu du dernier livre paru, j'aurais dit qu'il y a très évidemment, au plus intime de l'œuvre de Werther, quelque chose à déceler. Tu n'as pas fait, toi, la moindre allusion dans cet esprit. Pas étonnant que l'auteur n'ait pas été flatté. Et que prétends-tu donc dégager avec ta super-sensibilité? Ce n'est pas pour le vulgaire, comprends-tu? Pas pour le vulgaire. Le lendemain, j'eus la surprise de recevoir un billet d'Hugues Werther, à qui un article signé de mon nom venait de rappeler notre rencontre à Bridges. Je l'ai lu avec grand plaisir. Il m'a rappelé notre conversation animée au coin du feu. À la lueur de ce souvenir, je commence à mesurer l'imprudence dont j'ai fait preuve en vous gratifiant d'une révélation qui pourrait bien devenir pour vous un fardeau. Maintenant que je me suis ressaisi, je me demande comment j'ai pu être entraîné à dépasser de si loin mes limites habituelles. Jamais, dans aucun moment d'expansion, je n'avais parlé de mon petit secret et je n'en parlerai plus jamais à personne. J'ai été tellement plus explicite avec vous qu'il n'entre dans mon jeu de lettres que ce jeu, j'entends le plaisir de m'y livrer, en souffre considérablement. Je l'ai en somme, pour tout dire, en bonne partie gâché. Je n'ai pas du tout envie de donner à qui que ce soit ce que vous autres subtils jeunes gens appelez, je crois, le tuyau. C'est là, bien entendu, une preuve égoïste de sollicitude envers moi-même, et je vous la donne pour ce qu'elle peut valoir à vos yeux. Si vous voulez me faire plaisir, ne répétez à personne ce que je vous ai révélé. Tenez-moi pour dément, c'est votre droit, mais ne dites à personne pour quelle raison. Oui, entrez. Ah, c'est vous. Entrez, entrez, je vous en prie. Avez-vous reçu mon billet? Oui, mais trop tard. Je suis désolé. Je me suis rendu coupable d'une indiscrétion. Je l'ai dit à quelqu'un et je suis sûr qu'à l'heure qu'il est, ce quelqu'un l'a répété à quelqu'un d'autre. Et c'est une femme par-dessus le marché. Oh, pour ce qu'elle y gagnera. Ou ce que j'y gagnerai. Une femme ne trouvera jamais. Non, mais elle va en parler à tout le monde, faire justement ce que vous ne voulez pas. Alors, ça ne fait rien, ne vous tourmentez pas. Je vais faire, je vous le promets, tout mon possible pour que la chose n'aille pas plus loin. Bon, faites ce que vous pourrez. Qui est la personne à qui vous en avez parlé en premier? Mon ami Georges Corvick, qui a beaucoup d'admiration pour votre œuvre et que ma communication a énormément intéressé. C'est un garçon très intelligent qui a toujours vu beaucoup plus loin que les autres sur une certaine question. À présent qu'il est mis sur la voie, peut-être Georges Corvick arrivera-t-il à quelques résultats? Voilà qui ferait date. D'autant plus qu'il est amoureux d'une jeune personne elle-même très intelligente, Gwendolyn Herm. C'est elle qui a fait paraître à 19 ans un roman en 3 volumes, Dans les grandes profondeurs. À eux deux, peut-être pourront-ils éclaircir quelque peu le problème. Voulez-vous dire qu'ils vont se marier? Je crois bien que oui, quand la mère de la jeune fille ne s'y opposera plus. Ça pourrait en effet les aider. Mais il leur faudra du temps. Quant à moi, j'ai essayé. J'avoue avoir rencontré bien des difficultés. N'y pensez plus. Ce doit être un élément fondamental du plan d'ensemble. Quelque chose comme une image compliquée dans un tapis d'Orient. C'est le fil qui relie mes perles. Mais n'en parlons plus, voulez-vous? Si je vous ai écrit, c'est parce que je me refuse à vous être du moindre secours. Votre opacité d'esprit à vos autres critiques est trop parfaite en son genre pour que l'on y touche. Et je me suis habitué à compter sur elle. Non, si le charme devait se rompre un jour, il faudrait que ce fût sous l'effet d'une force qui vous serait propre. Thank you. recommandation est inutile. Tu n'as pas à mettre en doute ma discrétion. J'ai tout dit, tout de suite, à Gwendolyn. Mais elle a accueilli cette confidence avec une ferveur qui est un gage du silence qu'elle saura garder. L'énigme va nous absorber, nous offrir un passe-temps trop précieux pour qu'il soit question d'y mêler le vulgaire. Vous n'arriverez à rien. J'ai ruminé assez longtemps les indications de Werker pour être arrivé à la conclusion qu'elles sont creuses. Nous ne partageons pas ton opinion, voilà tout. Et puis, tu t'es sans doute trop pressé. Nous allons reprendre notre auteur tout au début. Nous n'avons nul besoin de nous hâter. Nous avons l'avenir devant nous et le charme qui nous fascine ne peut aller qu'en augmentant. Nous allons lire Werker page à page, comme un classique. Aspirer cette œuvre par longues bouffées, nous en pénétrer, nous en imprégner. Georges, tu ressembles tout à fait à un de ces maniaques qui embrassent une théorie d'échappée de Charenton sur le sens occulte de l'œuvre de Shakespeare. Mon cher, si Shakespeare en personne m'avait affirmé que son œuvre avait un sens occulte, je l'aurais cru sur parole. Douterais-tu de la parole de M. Werker? La crois-tu mensongère? Je la tiens en tout cas, et jusqu'à preuve du contraire, comme un peu trop teintée d'imagination. De tout temps, en étudiant le génie de Werker, j'ai été sensible à des souffles inexplicables, à des allusions secrètes, aux échos errants d'une musique cachée. Là réside le charme. Ah, quand je l'aurai dépisté, alors j'irai frapper à sa porte. Il faudra que je l'entende me dire de sa propre bouche « Bravo, mon garçon, ce coup-ci vous y êtes. » Et qu'il me couronne de ses propres mains, qu'il mette sur mon front le laurier du critique victorieux. Werker quitta l'Angleterre pour une période de temps indéfinie, annoncèrent les journaux. Il se rendait dans le Midi pour des raisons concernant, semblait-il, la santé de sa femme depuis longtemps en traitement à l'étranger. 6 mois après le départ de Werker, Georges Corvick accepta un travail entraînant un voyage assez difficile, une longue absence. Je pars pour les Indes comme envoyé spécial, mon cher. Mais oui, les envoyés spéciaux sont à la mode et l'un de mes parents, directeur d'un grand journal de province, m'y dépêche dans un bel élan de fantaisie. Il m'en reviendra une somme assez ronde et la possibilité de publier le gros livre. Et Gwendolyn, vous allez être séparés bien longtemps. Oh, il n'est pas du tout question de fiançailles entre nous, tu sais. Non, pas ouvertement, parce que tu ne plais pas à sa mère. Mais j'ai toujours pris comme allant de soi qu'il y avait entre vous un accord secret. Il y en a eu un, c'est vrai. Mais il n'y en a plus. Adieu, ami. Adieu, Jean. Ma foi, s'il s'est mis en tête d'être jaloux, ce ne peut guère être de moi. Il ne partirait pas pour nous laisser seuls ensemble. Au début du mois de mars, je reçus de Gwendolyn un télégramme qui me fit accourir à Chelsea. Il a trouvé. L'idée de Werker? Son idée d'ensemble. Georges m'a câblé de Bombay. Lisez. Eureka, énorme. Il ne dit pas ce que c'est. Ce n'était pas possible par télégramme. Il écrira. Mais comment peut-il savoir? Il ne se trompe pas. Oh, je suis sûre que quand on a trouvé, on ne peut pas avoir de doute. Gwendolyn, vous êtes adorable de m'apprendre une nouvelle pareille. Mais dire qu'il est allé découvrir notre déesse dans le temple de Vishnu. Comme c'est curieux qu'il ait pu approfondir la question dans un milieu si différent, où tant de nouveautés le sollicitaient. Il ne l'a pas approfondi, je le sais. J'en suis sûre. C'est la question elle-même qui, durement tenue à l'écart pendant 6 mois, a bondi sur lui. Tout d'un coup, comme une tigresse hors de la jungle. Il n'avait pas emporté avec lui un seul livre de Werker, exprès. Il n'en aurait du reste pas eu besoin, il en sait comme moi chaque ligne par cœur. Les textes ont fermenté en lui, et un jour qu'il se trouvait n'importe où et ne pensait à rien, ils se sont, dans leur enchevêtrement magnifique, présentés sous l'angle voulu. L'image dans le tapis a fait son apparition. Georges savait que ça se passerait comme ça. Et c'est la raison, vous ne l'avez pas du tout compris, mais je peux vous le dire à présent, la véritable raison qui l'a poussé à partir et qui m'a fait consentir à son départ. Nous savions qu'un dépaysement entraînerait le succès, que le changement d'occupation, de décor, donnerait le léger coup de baguette magique qu'il fallait. Nous avons parfaitement, admirablement calculé. Tous les éléments, il les avait dans son esprit. Et au frottement d'expériences nouvelles, la lumière a jailli. Il va revenir tout de suite à présent. Pour voir Werker. Oui, et pour me voir, moi. Pensez à tout ce qu'il va avoir à me raconter. Au sujet de l'Inde? Non, de la Lune. Mais c'est de Werker qu'il s'agit, voyons. De l'image dans le tapis. Si c'est énorme, ça ne tiendra peut-être pas dans une lettre. Ah, peut-être que non, si ce n'est qu'une énorme faribole. S'il ne peut pas mettre dans une lettre ce qu'il a trouvé, c'est qu'il n'a rien trouvé du tout. Il ressortait nettement de ce que m'a dit Werker que l'image tiendrait très bien dans une lettre. En tout cas, j'ai câblé à Georges tout à l'heure. Deux mots. Est-il indiscret de vous demander lesquels? Trésor, écrivez. Parfait. Pour plus de sûreté, je vais lui envoyer les mêmes. Découverte prodigieuse. Aucun éclaircissement avant de l'avoir soumise à approbation autorité suprême. Stop. Georges. Mais il nous inflige un véritable supplice de Tantale. Contrat résilié. Stop. Contrat gros livre annulé. Départ incessant pour Rapallo, pour rencontrer Werker. Georges. Georges, te supplie soulager mon impatience. Écris-moi. Patiente. Stop. Tellement envie quand te dirai voir ta tête. Georges. Un siècle parut s'écouler. Enfin, un jour, dans l'après-midi. Un câble, lisez. Viens de voir Werker. Triomphe complet, macéré sur son cœur, me garde un mois près de lui. Corvick. Espérant qu'il nous enverra une lettre. Qui nous aidera à boire la lie du calice de l'attente. J'ai la lettre de Georges. Ah. L'essentiel en est la promesse étonnante qu'il me fait. De m'apprendre ce que je désire savoir après notre mariage. Quand je serai sa femme, pas avant. Ce qui revient à dire, n'est-ce pas, qu'il me faut l'épouser tout de suite. Votre mariage? Êtes-vous donc fiancée? Mais bien sûr. Vous ne le saviez pas? À ce sujet, dois-je vous avouer que je n'ai guère été dans votre confidence, ni d'ailleurs dans celle de Corvick. D'autre part, je n'ignore pas le veto de votre mère. Ce qu'il y avait, c'est que, naturellement, nous nous sentions tenus de ne rien décider du vivant de maman. Tandis qu'à présent, vous allez tout simplement vous passer de son consentement. Oh, les choses n'iront peut-être pas jusque-là. Cette pauvre maman se fera peut-être une raison. Et même, je ne vois pas ce qu'elle pourrait faire d'autre. Rien de plus contrariant ne m'était jamais arrivé. Corvick allait revenir en Angleterre et je n'allais pas être là pour le mettre sur la sellette. J'étais brusquement appelé en Allemagne par une grave maladie de mon jeune frère. Un séjour dans un climat favorable s'imposait, et le convalescent n'était pas en état de l'affronter seul. Je l'emmenais à Merano, et y passais l'été avec lui, m'efforçant de lui montrer par mon exemple comment on se remet au travail, et dévoré par une rage que je m'efforçais de ne pas lui montrer. Alors que mon exil commençait, je reçus une lettre de Corvic, écrite avant son départ de Rapallo. Mon ami, j'ai commencé pour une revue littéraire une étude qui sera le grand dernier mot sur l'œuvre de Werther. Cette étude complète, la seule qui comptera, qui existera, va faire jaillir la lumière nouvelle et dévoiler au monde, oh, de la manière la plus simple, la vérité insoupçonnée. Elle va, autrement dit, tracer l'image dans le tapis, en suivre toutes les sinuosités, en reproduire toutes les nuances. Il en résultera le plus grand portrait littéraire de tous les temps. Et c'est pourquoi je te supplie, cher ami, de ne pas me déranger avec des questions avant que je puisse exposer à tes yeux mon chef-d'œuvre. Car, à part mon grand modèle, c'est toi le connaisseur pour lequel je travaille tout particulièrement. Sois donc bien sage et ne cherche pas à apercevoir ce qui se passe derrière le rideau avant que l'on frappe les trois coups. Tiens-toi bien tranquille et tu ne prendras que plus de plaisir au spectacle. Une semaine ou deux après mon arrivée à Munich, je lus dans le Times que la pauvre Madame Herm venait de mourir subitement. La mort de Madame Herm amena tout droit Corvic en Angleterre et, au bout d'un mois, eut lieu son mariage avec la jeune fille qu'il avait aimée et quittée. Très simplement, aussi simplement qu'il comptait présenter sa trouvaille. L'heureux couple alla passer sa lune de miel à Torquay. Et là, le pauvre Corvic s'avisa d'emmener sa femme faire une promenade en voiture. Cahotant sur une colline du Devonshire, il arrêta son cheval qui, il faut le dire, s'était emballé d'un geste si brusque que les promeneurs furent projetés hors de la voiture. Corvic fut tué sur le coup. Gwendolen n'eut aucun mal. Enfin, chère Gwendolen, je voudrais vous demander si votre mari avait tout au moins pu terminer son grand article sur Werther. Cher ami, pour répondre à votre post-scriptum, apprenez que l'article, à peine commencé, n'existe qu'à l'état consternant de bribe. Georges venait juste de s'y mettre quand la mort de ma mère l'a interrompu. Et à son retour, les occupations où cette mort nous a plongés tous les deux l'ont empêché de travailler. Seules existent les premières pages, saisissantes, pleines de promesses, mais qui ne dévoilent pas l'idole. Elles ne font qu'annoncer le grand exploit intellectuel qui devait suivre. Mais elle, est-elle en possession du secret? A-t-elle vu, elle, l'idole dévoilée? Une cérémonie d'initiation a-t-elle eu lieu au profit d'une seule et palpitante personne? Qu'ont été leurs noces, sinon le prélude de pareille cérémonie? Durant le peu de temps qu'a duré votre bonheur, si vite brisé, vous a-t-il été donné d'apprendre ce que nous désirions tant savoir? J'ai tout appris et j'entends tout garder pour moi. L'attitude inattendue de Madame Corvic, tel un coup de marteau suprême, enfonça dans ma tête ma curiosité malheureuse, la transforma en une obsession qui devait à jamais me hanter. Pour révéler le secret à Gwendolen, Corvic a attendu que leur intimité fût complète. Gwendolène, se conformant à ce précédent, entend-elle ne révéler à son tour le secret que dans les mêmes conditions? L'image dans le tapis ne se laisse-t-elle voir ou décrire qu'aux époux, aux amants unis par le lien suprême? Me faudra-t-il épouser Madame Corvic pour arriver à mes fins? Oh, mais c'est à devenir fou! Enfin, voyons. Qu'est-ce que c'est? Non. Bon, j'ai compris. Ce n'est rien. C'est ma vie. Adieu. Vous l'avez insulté. Werker? Le disparu. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. Avec le temps, il n'y en eut pas moins place dans sa vie pour autre chose. Un an et demi après la mort de Corvic, elle publia son second roman, Force dominante, sur lequel je me précipitais, espérant y trouver l'écho d'une vérité révélée ou le reflet de quelque apparition. Passablement bien ourdi, ce tapis-là avait son image, mais qui n'était pas l'image que je cherchais. J'en envoyais un compte-rendu au milieu, mais appris qu'il y en avait déjà un sous presse. Quand cet article parut, de ton assez louangeur qui rendait un son assez vulgaire, je l'attribuais à Drayton Dean, qui n'avait que tout dernièrement fait connaissance avec la veuve de Corvic. 6 mois plus tard, paraissait Droit de passage, qui, sans que nous le sachions, nous apportait à nous autres critiques notre dernière chance de nous racheter. Écrit par Werker durant son séjour à l'étranger, ce livre avait été annoncé à longueur de colonne. J'en portais un des tout premiers exemplaires à Madame Corvic. Mais je l'ai déjà. Drayton Dean a eu la gentillesse de me l'apporter hier. Je viens juste de finir de le lire. Hier? Comment a-t-il fait pour l'avoir si tôt? Oh, il a toujours tout très tôt. C'est lui qui va en faire le compte-rendu pour le milieu. Lui? Drayton Dean? Écrire sur Werker? Pourquoi pas? Une belle incapacité en vaut une autre. C'est vous qui devriez en faire ce compte-rendu. Je ne fais pas de compte-rendu. On en fait sur moi. Voilà justement notre critique. Cher ami, comment allez-vous? Vous vous connaissez, je crois. Monsieur. Monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Avez-vous lu Le Droit de passage? Qu'en pensez-vous? Les journaux du soir publient une dépêche alarmante au sujet de l'auteur. Vraiment? Il est malade? Il souffrirait depuis quelques jours à Rome d'un accès de malaria. Rien de grave, a-t-on tout d'abord pensé, mais des complications se seraient produites. En dernière heure, l'état du malade donnait de vives inquiétudes. Vraiment? Oui. Vous pouvez descendre dans votre tombe, Hugues Werker. Telle une héritière favorisée, Gwendolène Corvic est la personne au monde qui a le moins besoin que vous surviviez. Et vous, cher ami, que pensez-vous du droit de passage? Moi, je déteste M. Werker. Et je n'arrive même pas à lire ses livres. Madame. Monsieur. Mon Dieu, votre ami me semble un individu bien superficiel. 3 semaines plus tard, eut lieu la mort de Werker. Et avant la fin de l'année, celle de sa femme. Et elle, connaissait-elle le secret? Et si elle l'avait connu, en aurait-elle parlé? Je sentis que j'étais emprisonné pour la vie dans mon idée fixe. Mes geôliers étaient partis en emportant la clé. Pas plus qu'un prisonnier dans son cachot, je ne saurais évaluer le temps qui s'écoula entre cette mort et le mariage de Madame Corvic et de Drayton Dean. J'étais à même, moi seul, d'évaluer la part que la mariée apportait en ménage. Ce mariage dans les milieux littéraires, comme l'appelaient les journaux, était sans précédent. Jamais dans un mariage de cette sorte, l'épouse n'avait apporté une aussi belle dot. En temps voulu, je me mis à chercher dans les revues où écrivait Dean le message écrasant que le pauvre Corvick n'avait pu nous transmettre et dont la responsabilité était tombée sur son successeur. La veuve et l'époux devaient avoir rompu près du foyer ranimé le silence que seuls pouvaient rompre une veuve et une épouse. Dean devait être enflammé par la révélation, comme Corvick l'avait été à son heure et Gwendolen à la sienne. Mais je scrutais en vain les revues. Bretton Dean y écrivait des quantités de pages, mais ne faisait jamais paraître celles que je cherchais fiévreusement. Savait-il ou ne savait-il pas? N'allait-il pas de soi qu'il savait? Le couple eut deux enfants, mais la naissance du second coûta la vie à la mère. Après ce coup du sort, il me sembla voir se dessiner une nouvelle chance, mais les convenances m'imposèrent un délai. Drayton Dean avait perdu sa femme depuis un an, quand je le rencontrai dans le fumoir d'un petit club dont nous faisions partie tous les deux. Monsieur Dean, je suis une très ancienne relation de votre défunte femme, plus ancienne même que vous. Et c'est à ce titre que je vous demande de m'écouter sur un sujet qui me préoccupe. J'accepterai les conditions qu'il vous plaira de m'imposer si vous voulez bien me communiquer l'information que votre femme tenait de Corvick, vous savez. Et qu'à un des plus heureux moments de sa vie, le pauvre garçon avait eu le privilège de recueillir de la bouche même de Werker. L'information. Et oui, mon cher, le secret de Werker. L'idée d'ensemble de son œuvre, le fil qui reliait ses perles, l'image dans le tapis. Werker avait une idée d'ensemble? Vous n'allez pas me dire que vous ne le saviez pas. Madame Dean le savait. Elle tenait le secret de Corvick, qui, après des recherches à n'en plus finir, avait, à la grande joie de Werker lui-même, découvert l'entrée de la caverne. Où se trouve cette entrée? Corvick l'a dit, après son mariage, à une seule personne. À la personne qui, dans des circonstances analogues, doit vous l'avoir dit. À vous. Je suis sûr de ne pas me tromper. Elle vous aura transmis comme la plus haute faveur attachée au rôle que vous assumiez auprès d'elle, ce secret dont la mort de Corvick l'a laissé seul dépositaire. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'un secret infiniment précieux. Si vous voulez bien me le laisser connaître à mon tour, je vous serai à jamais reconnaissant. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Vous me donnez votre parole? Mais oui, je vous la donne. Et du diable, qu'est-ce qui vous prend? Je n'en reviens pas. Je suis très déçu. Je comptais vous soutirer ce secret. Il n'y a rien à me soutirer. Et même s'il y a... Ah non! Ne me dites pas que si vous le saviez, vous ne me le diriez pas. Vous me le diriez! L'humanité la plus élémentaire vous y obligerait. Mais je crois que c'est vrai. Que vous ne savez pas. Je comprends. Oui. Je comprends. C'est la première fois que j'entends parler de cette question. Mais je crois que vous faites erreur en prêtant à ma femme le savoir que vous dites. Elle n'a certainement pas été en possession de renseignements inavoués. Et encore moins de renseignements inavouables, comme vous le feriez croire. Si elle avait eu des révélations concernant Werker en tant qu'écrivain, elle aurait certainement voulu les faire servir. Mais c'est ce qu'elle a fait. Elle s'en est servie elle-même. Elle m'a dit en propres termes qu'elle en vivait. Oh, elle en vivait. Je vous demande pardon, je me suis trompé. Vous ne savez pas ce que je croyais que vous saviez. Autrement, vous auriez pu me rendre service. J'avais des raisons pour croire que vous étiez en mesure de me donner satisfaction. Des raisons? Quelles raisons? Venez, je vais tout vous raconter. Je l'entraînais vers un divan. J'allumais un nouveau cigare. Et, après lui avoir conté comment Werker était une seule et unique fois descendu des nuages, je déroulais devant lui la chaîne des événements extraordinaires qui, en dépit de cette lueur initiale, m'avaient jusqu'à présent maintenu dans les ténèbres. Drayton Deane m'écoutait avec une attention de plus en plus profonde. Et, à ma grande surprise, ses questions, ses interjections me firent constater qu'il n'aurait pas, après tout, été si indigne que ça de la confiance de sa femme. Apprendre brutalement que cette confiance lui avait été refusée venait de lui porter un coup. Puis, je vis les effets de cet ébranlement se calmer peu à peu, et ensuite se rassembler, se gonfler pour lancer à l'assaut du mystère des vagues de curiosité qui promettaient, je m'en rendais bien compte, de déferler un jour avec une force égale à celle de mes plus violentes tempêtes. Je peux dire qu'aujourd'hui, en tant que victime d'un désir inapaisé, il n'y a pas entre nous l'ombre d'une différence. L'état de ce pauvre homme me tient presque lieu de consolation. J'ai même parfois le sentiment qu'il constitue ma vengeance. Pour le 50e anniversaire de la mort de Henry James, vous venez d'entendre, dans une adaptation de Roger Pilaudin, L'image dans le tapis, avec le concours de Martine Sarcey, Jacqueline Rivière, Liliane Gaudet, René Farabet, Jacques Castelot et Jacques Berthier. Musique originale d'Odette Gartenlaube. Ensemble instrumental sous la direction de Jean-Jacques Werner. Bruitage, Louis Matabon. Assistante, Colette Chemama. Chef opérateur du son, Francis Granal, assisté de Jean-Claude Lagarde. Cette soirée, conçue par René Farabet, a été réalisée par Henri Soubéran. Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 août 1966. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.